Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Martin Lesage. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette quatrième saison, le podcast 2030 Glorieuse, il est encore et toujours soutenu par la NEF. La NEF, c'est la banque des 2030 Glorieuses puisque c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. On est en plein dans le thème et c'est un partenariat qui, moi, me permet de continuer à vous faire rencontrer des personnes inspirantes tout au long de l'année, des personnes comme Martin. Aujourd'hui, je te donne la parole, Martin, puisque toi, tu participes très activement au déploiement des 2030 Glorieuses avec le réseau Cities qui est précurseur de l'autopartage en France. C'est un réseau présent dans plus de 190 villes avec 2000 voitures partagées, on en reparlera. Ensemble, nous allons discuter forcément de mobilité, de partage, mais aussi de nouveaux modèles économiques et d'empuissantement citoyen. Pour commencer cet échange, Martin, je te pose la même question que je pose à tous mes invités au début de notre interview. Qu'est-ce que tu réponds à une personne qui te demande « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Tu sais, ces moments où on rencontre quelqu'un pour la première fois et forcément arrive cette question fatidique qui malheureusement, en général, nous catalogue, nous cloisonne, nous met dans une boîte. Mais bon, elle arrive, elle est comme ça, elle est là. Tu leur dis quoi, toi ? Je participe et j'aide les gens à réfléchir sur leur changement de comportement par rapport à la mobilité notamment et à tout ce qui touche à la transition écologique intégrale. Ouais, tu parles de transition écologique intégrale, on y reviendra parce que je trouve que de toucher à la voiture comme vous le faites avec Cities, c'est quelque chose de clé, presque philosophique. Est-ce que c'est conscient d'avoir voulu s'atteler, s'adresser au problème qu'est la voiture dans notre société ou est-ce que finalement c'est tout un jeu de circonstances qui sont plutôt liées au hasard ? Ah non, on ne peut pas dire qu'il y ait un hasard, il n'y a que des providences pour moi. Et lorsque j'ai quitté mon dernier job en 2007, je me suis demandé comment j'allais pouvoir travailler à l'époque dans cette transformation nécessaire de notre environnement et de notre vie professionnelle. Et donc j'ai choisi deux métiers, un métier dans la rénovation énergétique des bâtiments et un métier dans l'autopartage. J'ai créé deux sociétés en parallèle qui m'ont permis de travailler d'une part sur le bâtiment plus vertueux et d'autre part sur la mobilité raisonnée. Ouais, puisque la mobilité, ça fait partie, hein, tu me corriges si je me trompe, mais des très très très gros enjeux, si on considère la question écologique seulement, on va le dire comme ça, sous l'angle du CO2, des ressources, de la pollution de l'air, ce qui est déjà plusieurs grands enjeux, hein, mais la voiture, là en l'occurrence, c'est un levier en ce moment de destruction clé, puisque si je dis pas de bêtises, en général, quand on dit les freins au dérèglement climatique en ce moment, et ce qui constitue les plus grandes augmentations d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, bah, le fait qu'on achète de plus en plus de SUV rentre dans le top 3 et à la fois bah, ça peut du coup aussi signifier énormément de baisse, énormément de gains. Donc stratégiquement, toi tu t'étais lancé avec ces idées déjà bien arrêtées en tête, j'ai l'impression. Oui, j'avais vraiment envie de contribuer à cette prise de conscience des personnes qui m'entourent, qu'il fallait changer un certain nombre de choses dans notre vie. Et donc, à l'époque, les fresques n'existaient pas, hein, la fresque du climat et ses déclinaisons qu'aujourd'hui, on retrouve notamment dans la mobilité, mais aussi dans l'alimentation, dans la biodiversité, dans différents rubriques de notre vie. Je me suis dit, il y a deux domaines dans lesquels j'ai des compétences. J'ai des compétences d'ingénieur dans le bâtiment et donc et dans l'énergie. Donc, je peux travailler là-dessus. Et puis, j'avais aussi passé un bout de ma vie dans la mobilité, à suivre les voitures volées avec des trackers. Et je m'étais dit que les deux valaient vraiment la peine qu'on s'y penche. Et donc, j'ai démarré les deux activités comme ça. Et puis finalement, au bout d'une dizaine d'années, je n'en ai gardé qu'une puisque je ne pouvais plus gérer la croissance des deux simultanément. Et je me suis spécialisé sur la partie mobilité, alors qu'à l'origine, je pensais que je me spécialiserais plus sur la partie bâtiment. Mais c'est les hasards de la vie qui ont fait que Citis s'est bien développé avec une forte croissance qui nécessitait vraiment un plein temps pour le chef d'orchestre de l'équipe que j'étais devenu. On voit sur Internet, les réseaux LinkedIn, notamment différents intitulés de postes que tu mets en avant avec Citis. Tu dis que tu es administrateur, tu dis que tu es directeur. J'imagine que tout ça fluctue aussi en fonction des années. Comment tu renommerais ton métier si vraiment on avait cette perspective 2030 glorieuse de dire qu'on contribue à de nouvelles abondances plutôt que de dire comment tu le fais? Qu'est-ce que tu dirais quand on te pose la question de à quoi tu participes? Est-ce que tu dirais tout simplement que tu es auto-partageur? Est-ce que tu le dirais autrement? Peut-être que tu as déjà réfléchi à ça. Oh, je... Pour moi, l'auto-partage n'est qu'un moyen. J'ai plutôt une idée. Je suis un entraîneur, un mobilisateur de force pour repenser notre mobilité d'une façon globale. Donc, moi-même, j'utilise le moins possible la voiture et de plus en plus le vélo. En fait, j'ai plusieurs vélos et j'en ai un qui est pliant, j'en ai un qui est électrique, j'en ai un qui est pour les balades en montagne. Mais voilà, j'utilise le vélo sous tous ses aspects et je le promeux. Donc, finalement, tout en louant des voitures, je promeux plutôt d'autres choses que la voiture. Mais la voiture étant un mal entre guillemets nécessaire pour un certain nombre de déplacements qu'on ne peut pas faire autrement à certains moments de notre vie, eh bien je travaille dans ce domaine-là et c'est finalement le fer de lance qui me permet de parler du reste et de parler comme c'est agréable de prendre le train le matin et pour faire Chambéry-Grenoble et d'arriver, de longer les montagnes d'un côté ou de l'autre, le lever de soleil derrière les montagnes ou devant celle que j'ai à ma droite, d'un côté Belledonne, de l'autre côté Chartreuse, et je m'émerveille tous les jours de ça. Et je me dis, ben ça, en voiture, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas me perdre en train de regarder les montagnes. Sinon, je vais perdre ma vie en rentrant dans la personne qui est devant si j'étais en voiture. Donc voilà, pour moi, je vois la mobilité comme un ensemble de moyens que nous avons à notre disposition et comment les utiliser du mieux possible et aussi du mieux possible pour notre propre santé, pour notre propre intériorité, pouvoir prendre le temps de penser, de réfléchir, de méditer, de s'imprégner, de s'émerveiller et de vivre tout simplement, et non pas juste de survivre. Et aujourd'hui, la mobilité, elle rentre dans ce grand processus d'accélération de notre entreprise qui nous mène droit dans le mur, si nous ne voyons que ça. Soit vers le burn-out pour les personnes, soit pour la société d'une façon générale, vers la colère et l'explosion et vers des choses encore plus graves, des guerres qu'on voit poindre, les guerres de l'énergie, les guerres liées aux ressources et tout ça. Donc voilà, on a besoin de repenser tout ça pour retrouver un cap. Et je trouve que de réfléchir sur la mobilité, c'est un des moyens de se reposer des bonnes questions. Et après, ça entraîne tout le reste, parce qu'une fois qu'on a réfléchi à la mobilité, on dit, qu'est-ce que je peux faire aussi dans le reste de ma vie? Et si je vois mon parcours personnel, ça m'a beaucoup aidé de travailler dans ces deux domaines qui étaient le bâtiment et la mobilité, mais ça joue aussi sur mon alimentation, ça joue aussi sur ma façon de voir le but de ma vie, mes relations aux autres, mes envies de vivre cette quatrième période de ma vie qui commence, puisque j'ai plus de 60 ans, donc j'ai déjà eu trois doubles décennies, les 20 ans d'études, les 20 ans de premier travail et les 20 ans de travail dans cette mobilité nouvelle. Donc voilà, il me reste sans doute une quatrième vingtaine d'années, je l'espère, à vivre, mais à vivre pleinement et intensément et pleinement dans l'instant présent. La voiture, c'est quand même le symbole de tout ce qui ne va pas actuellement, si je peux le dire un peu simplement comme ça. C'est le symbole de l'hubris humain, du matérialisme à son comble. Et puis, en plus, on a l'impression qu'il ne faut absolument pas le toucher. Et là, il y a eu une récente interview de notre président de la République qui disait les Français, on aime la bagnole, moi, je l'adore. Il a dit ça littéralement. Est-ce que tu avais entendu cette citation, cette déclaration? Comment tu as réagi quand tu as entendu ça? Comment toi, avec 20 ans d'expérience dans le milieu de la mobilité, ça t'a fait réagir? Ben, c'est un fait. On peut aimer la voiture. Moi, j'ai jamais particulièrement adoré la voiture, même si j'en ai eu beaucoup de voitures différentes, mais toujours des voitures qui pour moi étaient juste des instruments de mobilité. J'y réfléchissais pas beaucoup à quel type de voiture. J'avais besoin d'une grande voiture pour une grande famille, j'avais besoin d'une petite voiture pour mes déplacements du quotidien, j'avais besoin d'une voiture dans laquelle je pouvais dormir pour mes vacances, mais effectivement beaucoup de choses passaient à travers la voiture. Et donc dans ces 20 dernières années, j'ai fait tout un chemin. Quand je dis « j'ai », nous avons fait, ma femme et moi, puisque depuis une vingtaine d'années, on n'a plus vraiment d'enfants très présents à la maison, en tout cas depuis au moins une dizaine d'années. Et donc, on a évolué dans notre rapport à nos déplacements. On n'avait jamais pensé qu'un jour, on remplacerait la voiture pour nos vacances par du vélo et du train. Quand on me dit « j'adore la voiture », c'est un peu comme j'adore le veau d'or. Pour moi, c'est une illusion, c'est rien, c'est creux. Alors, c'est un fait, beaucoup de gens aiment la voiture, il y a des passionnés de moteur, ça je peux comprendre qu'on soit passionné de la mécanique, de la beauté, de la capacité de l'homme à créer quelque chose qui coûte finalement entre 15 000 et 100 000 ou 300 000 euros, mais en tout cas, on peut en avoir pour tout le monde des voitures. Mais c'est de plus en plus cher et c'est de plus en plus coûteux pour nous tous. Et coûteux au sens très large pour toutes les conséquences que ça entraîne dans nos vies. Et finalement, j'aime la voiture. Non, je ne peux pas dire que j'aime la voiture. Et adorer la voiture, ça me semble que quelques-uns aiment ça, oui. Comme on peut dire, j'aime le bateau. D'accord, ok, pour les marins, on aime le bateau. Mais d'accord, mais si j'adore, c'est beaucoup trop fort. Ça n'a pas de sens qu'on adore des gens avec qui on est, oui, mais qu'on adore une voiture, c'est se tromper de cible. Et est-ce que du coup, avec Cities, vous avez justement, et on reviendra ensuite sur le modèle économique, sur les impacts, sur les chiffres, j'aimerais bien t'entendre me dire un peu plus par rapport à ça, mais je reste un peu quand même encore à tirer ce fil de la passion pour la bagnole, de ce totem de notre société, de la réussite, de la désirabilité, parfois même, on en reparlera quand on voyagera ensemble en 2030 glorieuse, de ce symbole de liberté absolue qui est la voiture pour certaines personnes, mais vous, j'ai quand même l'impression, parce que je suis utilisateur assez fidèle de Cities, je dois l'avouer, parce que je vis dans un milieu urbain, parce que j'ai pas de voiture, parce que de temps en temps, pour aller chercher un lit que j'ai acheté d'occasion à l'autre bout de la ville ou passer un week-end à la campagne, je loue des voitures Cities. Est-ce que vous ne faites pas ça quand même en conscience d'essayer de la remettre à sa juste place, la voiture? Je veux dire, vos bagnoles, elles sont blanches, les logos, ils sont sobres, on ne les remarque pas, les modèles, ils sont classiques, il n'y a rien de très amour de la bagnole quoi, dans ce que vous proposez. Ça se fait en conscience ou c'est finalement, ça s'est imposé à vous? C'est vraiment fait en conscience. Bon, les logos, c'est les professionnels qui nous ont dit on voudrait ne pas être des hommes sandwich de Cities à chaque fois qu'on va dans les entreprises. Mais si c'est écrit sur la voiture, ça nous suffit. Or, comme on a à peu près la moitié des usagers qui sont des usages professionnels, les autres étant les usages privés du soir, du week-end et des vacances, là, on peut se permettre de mettre quand même des logos Cities pour que, d'abord, les gens retrouvent leur voiture dans la rue, parce que comme ils changent de modèle tous les jours, moi, quand je prends une voiture Cities, je ne sais plus où je l'ai prise, plusieurs stations, et je ne sais plus où je vais la remettre. Bon, donc, il faut quand même qu'elle soit reconnaissable, de même que nos stations doivent être visibles. Donc, voilà, on fait de la pub pour Cities, mais les voitures sont simples. Tu as raison, c'est ce que tu dis, c'est un choix. C'est de trouver des voitures qui sont simples, qui sont facilement maintenables, qui vont avoir une durée de vie le plus longue possible. Et donc, ça oriente des choix d'achat. Quelle est la voiture qui va avoir le meilleur coût global de détention chez nous, qui va se revendre correctement à la fin, qui ne sera pas complètement épuisée, même si elle a 160 000 km au compteur, qui aura été bien entretenue pour que ceux qui vont la récupérer ensuite pour des besoins privés puissent la garder longtemps encore. On ait maximisé son potentiel d'usage rationnel. Voilà, donc c'est ça qui compte. C'est pas qu'elle soit hyper confortable. Alors, de temps en temps, on hérite, parce que chez Cities, on a aussi des voitures qui ne nous appartiennent pas, des voitures que des propriétaires nous confient parce qu'ils en ont marre de s'en occuper et puis qu'ils trouvent qu'ils ne les utilisent pas assez. Donc, nous, on les fait tourner, on les entretient aussi et de temps en temps, on récupère des voitures un peu mieux. Alors, on est content quand il y a une voiture qui a des sièges électriques qui bougent, etc. On dit c'est super, c'est magique. Nos clients aiment bien en avoir deux, trois comme ça, mais finalement, au quotidien, ce qui compte, c'est qu'elle puisse aller en sécurité d'un point A à un point B sans trop nous fatiguer, donc qu'elle soit suffisamment confortable, sauf si on fait des tout petits trajets, ben ça peut être des tapes cul. Mais si on fait des trajets moyens, la plupart des trajets font en moyenne 50 km, hein, donc ça va de 0 à 1000 km, hein, du moins de 1 ou 2 km à 1000 km. On essaye qu'il y ait le moins possible de 1 ou 2 km, mais plutôt à partir de 10, là où le vélo électrique ou les autres moyens de déplacement urbains trouvent leurs limites, eh bien, on essaye d'aller de ça jusqu'à passer ses vacances avec une voiture et cramer, entre guillemets, son bilan carbone mobilité de l'année, mais sachant que on va le cramer le moins possible puisque cette voiture est déjà partagée et qu'en soi, le fait qu'elle serve à plein de personnes, eh bien, c'est déjà une voiture qui est plus vertueuse que la voiture que l'on garde, même quand elle dort 95% de son temps. Ouais, effectivement, les bagnoles dorment 95% de son temps. On est quand même, comme on le disait, hein, dans une société où l'une des premières choses qu'on a envie de faire quand on a accès à un salaire, quand on sort de chez ses parents, c'est de s'acheter sa bagnole, hein. La première bagnole, ça compte, c'est important, c'est un marqueur social fort. Et du coup, on aurait tendance à se dire, mais attends, un réseau d'autopartage, en plus, qui est possédé par des citoyens, avec l'aide des collectivités et tout, ça va jamais marcher. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça marche, quelles sont les ficelles économiques qu'il y a derrière, et puis aussi nous donner peut-être quelques chiffres pour attester du succès et du déploiement en cours d'un réseau qui, en fait, est parti pour avoir une longue et belle vie. Oui, alors, avant de parler de comment ça marche, je vais juste rebondir sur une de tes premières assertions, c'est on espère tous avoir sa première voiture. En fait, ça a beaucoup changé. Et en 20 ans, que je suis dans la mobilité, j'ai vu les choses changer et notamment j'ai vu les jeunes changer, dont un certain nombre ne veulent pas de voiture. Et la première chose qu'ils font n'est pas de passer leur permis quand ils ont 18 ans, mais bien d'autres choses. Donc ça bouge et donc ça veut dire que la société évolue. Alors après, il y a d'autres gens qui bougent. Alors comment ça marche, Cities? Eh bien, finalement, c'est un réseau qui se développe. Là où il y a des personnes qui nous disent on a des besoins. Alors, on a des citoyens qui nous appellent dans des villes en disant quand est-ce qu'on pourrait avoir des voitures partagées dans notre ville. Et puis, on a aussi des élus qui nous appellent. Et donc, une fois qu'on a réussi à tenir les deux bouts dans une collectivité, de dire ben, il y a à la fois des élus qui seraient heureux d'avoir de l'autopartage et qui sont prêts même à prendre des parts dans le capital de Cities, à aider au démarrage, voire à prêter des voitures de la flotte de la collectivité, ou alors des particuliers qui de la même façon sont prêts à s'engager, à dire ben, oui, nous ça nous intéresse de lâcher notre voiture, mais on ne peut pas lâcher notre voiture si on n'a pas de temps en temps une voiture à notre disposition et que ça soit simple, pratique, qu'on n'ait pas besoin d'aller la chercher chez un loueur à l'heure fixe et puis on n'a pas besoin de refaire le plein à la fin. Donc, quelque chose qui soit pratique et qui remplace avec le moins de contraintes possible notre voiture. Donc, une fois qu'on a ces gens-là qui sont prêts à s'engager des deux côtés, eh bien, on fait des enquêtes et on démarre là où les gens ont envie et puis ça permet de communiquer sur le service quand les gens ne le connaissent pas dans une ville. Et après 6 mois, 1 an, ça prend un temps de maturation, on mène nos 2 premières voitures. En général, on va commencer par 2 parce que sinon, une seule voiture, les gens se disent « bah oui, mais quand elle est prise, qu'est-ce que je fais ?» Bon, quand on a déjà 2 voitures, on se donne beaucoup plus de latitude puisque les gens réservent entre 1 heure et 1 journée pour la plus grande majorité des trajets. Eh bien, on sait que si telle voiture est prise le matin, elle va être libre l'après-midi. Et puis l'autre, elle n'est pas automatiquement prise toute la journée non plus. Donc, on peut arriver à trouver, à faire son déplacement avec une voiture. C'est pour ça qu'on démarre avec 2 voitures. Qui sont proches l'une de l'autre, à des endroits multimodaux, c'est-à-dire en général proches des gares, proches des gares SNCF, mais des gares de bus aussi, quand il n'y a pas des SNCF, sur les lignes de tram ou de bus, des voitures qui sont facilement atteignables par tout le monde dans la ville, des lieux centraux. Voilà. Et à partir de là, ben, on se diffuse sur le long des axes de transport en commun et des pistes cyclables, puisque les gens qui vont utiliser nos services vont utiliser, en plus de nos services, le bus, le tram, la voie de chemin de fer, les vélos. Et puis la marche aussi, bien sûr, puisqu'il faut souvent marcher quelques centaines de mètres pour atteindre nos voitures. Elles ne sont pas à côté de toute la population d'une ville. Il faut parfois faire 300 ou 500 mètres. Alors, on sait que la plupart des gens qui vont passer à l'autopartage vont être à moins de 500 mètres d'une station, à 90%. D'autres vont faire un peu de trajet, soit en utilisant les transports en commun, soit un vélo, soit maintenant la trottinette qui se substitue en partie au vélo et à la marche. Elle joue ce rôle de trait d'union entre le vélo et la marche à pied. Voilà, donc voilà comment ça se développe. Alors, ça se développe bien parce que nous avons des croissances de l'ordre de 25% des trajets qui augmentent. On a des utilisateurs qui s'inscrivent en plus grand nombre chaque année et là, on est plutôt à plus 30%. Alors, il y a ce différentiel entre plus 30 et puis plus 25 et puis plus 20 sur le nombre de voitures parce que finalement, les gens deviennent plus rationnels dans l'usage de la voiture et le mois où ils consomment le plus, c'est le premier mois où ils sont inscrits à l'autopartage. Et après, voyant concrètement ce que l'absence de voiture personnelle les fait réfléchir, eh bien, ils vont progressivement réduire le nombre d'usages de la voiture partagée et se reporter sur d'autres modes ou tout simplement moins se déplacer et plus optimiser leur déplacement. Et c'est ça qui fait que on a toujours de plus en plus de clients, mais chaque client lui-même va faire de moins en moins d'usages de la voiture par rapport à ses usages habituels. Il va beaucoup plus réfléchir à mutualiser un déplacement pour faire plusieurs choses dans le même déplacement. Et tant qu'il a la voiture, il va aller faire des courses, mais il va aller conduire un gamin, il va aller faire son activité, et puis il va tout optimiser. Et c'est ça qui est le meilleur usage de la voiture, c'est de faire que quand on la prend, on s'en serve non pas juste pour faire un petit aller-retour et puis ensuite, 2 heures après, un deuxième petit aller-retour dans une direction ou autre, mais de faire plutôt des boucles, des trajets circulaires où on va faire plusieurs arrêts, un peu de cabotage pour différentes choses que l'on aurait à faire. Voilà. Donc, on va gagner du temps en même temps. On va gagner de l'argent et puis on aura fait son déplacement et on n'aura pas à y retourner plusieurs fois et on gagnera donc de la liberté d'action pour faire autre chose de notre vie. Parce que finalement, faire des trajets, c'est quand même souvent perdre pas mal de temps et se faire un peu de stress aussi, puisque c'est, les feux sont rouges et moi-même, j'accélère pour passer le feu à l'orange ou imaginer qu'il va passer à l'orange ou au rouge. Voilà, on se stresse beaucoup plus au volant et moins on en fait. Et mieux on se porte. Ça, c'est une bonne remarque. Avant de clôturer cette partie-là, Martin, dis-moi en quelques chiffres et donc avec une réponse rapide, s'il te plaît, mais pour qu'on se rende compte, parce que j'ai croisé moi déjà pas mal de personnes qui sont fiers de me dire, voilà, moi je possède une partie de Cities, moi je suis aussi autopartageuse, autopartageur. Combien de salariés, combien de personnes impliquées économiquement dans la structure, qui, si je dis pas de bêtises, est une coopérative, mais je veux bien que tu me redises un tout petit peu cette structuration économique du modèle. Une coopérative d'intérêt collectif, oui. On a 25 salariés aujourd'hui. On a 500 et quelques coopérateurs, donc des gens qui ont payé au moins 750 € de part sociale chez nous. Il y en a qui ont pu payer beaucoup plus, je pourrais l'expliquer. Et c'est à peu près le nombre de voitures que nous avons dans notre coopérative Cities Alpes-Loire, qui, comme son nom l'indique, est présent dans les Alpes et puis aussi dans la Drôme. Dans l'Ardèche, un tout petit peu, il y a une voiture en Ardèche, et puis dans la Loire et la Haute-Loire. Donc, on se répartit autour de Lyon, et puis il y a à peu près autant de voitures sur la ville de Lyon et le Grand Lyon. C'est une société sœur qui s'appelle Cities Lyon Parc Auto, qui appartient à Lyon Parc Auto. Donc, c'est une société publique locale. Et puis, c'est en train de devenir une société publique locale. Elle était une SEM et elle est en train de devenir une société publique locale. Et puis, nous sommes tout un réseau français. Et donc, on est présent, comme tu le disais, dans 190 villes et il y a 2000 voitures. Donc, tu vois que rien qu'en Rhône-Alpes, Auvergne, on a 1000 voitures qui est la moitié de ce qu'il y a dans toute la France. Il y a une troisième grosse structure qui est Grand Est, basé sur Strasbourg. C'est là que l'autopartage coopératif a démarré il y a 20 ans maintenant. Et puis après, il y a d'autres villes qui croissent et qui se développent avec chaque année ou tous les 2 ans, une nouvelle ville qui vient s'inscrire dans la constellation Cities en France pour que quand on habite là où on habite, dans une ville Cities, eh bien, on puisse aussi aller dans d'autres villes en train, ou en blablabus ou en blablaline et arriver à prendre une Cities pour ses derniers kilomètres ou ses déplacements à partir de la ville où on va en villégiature, en tourisme ou en déplacement professionnel. Donc, on crée tout un réseau national qui se développe avec cette croissance qui est de l'ordre de 20 à 25% par an. Et donc, quand on dit 20-25% par an, ça paraît pas énorme, mais finalement, on n'est pas loin de doubler en 3 ans. Donc, on double en 3 ans et quelques mois. Et finalement, quand on se projette sur 2050, on voit qu'il y aura plus d'une centaine de milliers de voitures Cities en France. Tu fais la transition, Martin, et je me permets de t'interrompre parce qu'on ira en 2030 glorieuse. Donc, on fait le calcul, le temps du voyage et tu me diras combien vous avez de voitures Cities d'ici là. Avant de faire ce voyage, et justement, c'est toujours la petite respiration qu'on s'offre parce qu'un voyage en 2030 glorieuse, ça secoue. On a toujours notre invité qui vient avec un cadeau puisqu'il nous fait la lecture d'un passage qui l'a marqué et qui lui semble porter des valeurs des 2030 glorieuses. Toi, tu vas nous faire la lecture de quoi, Martin ? Alors, je vais faire la lecture d'un livre de Sylvain Brezard, qui est un ami que j'avais dans le Nord au Centre des jeunes dirigeants il y a plus de 20 ans, quand j'étais JD à l'époque, comme on dit, les jeunes dirigeants, et qui a emmené son entreprise Narcisse dans un modèle qui s'appelle la perma-entreprise, en s'inspirant de la permaculture pour la vie d'entreprise. J'appelle les entrepreneurs d'aujourd'hui à rejoindre le camp des lucides, c'est-à-dire le camp de ceux qui ouvrent grand les yeux sur la situation économique, sociale et écologique actuelle, en acceptant la possibilité de changer de regard et d'opter pour un modèle de développement viable, car nos visions sont biaisées. La lucidité, c'est d'accepter de regarder la gravité de la situation en face sans la nier, la minimiser ou chercher à temporiser. C'est ne pas attendre que les consommateurs changent, que l'État édicte des lois, que les autres se transforment ou que les crises se multiplient pour voir plus loin que le présent. C'est chercher à voir clairement ce qu'il serait possible de faire sans attendre une feuille de route du politique ou une catastrophe supplémentaire. Bien au-delà d'ajustements à la marge ou de tentatives de verdissement d'un modèle de développement concentré sur le financier, saupoudré d'une petite couche de RSE. Justement, Martin, on a réussi, on est en 2030 glorieuse. Alors, je sais que c'est un exercice pas évident parce que nous, les Français, à se laisser aller à la critique positive, aux rêves et à l'utopie, c'est pas vraiment notre fort. On n'a pas été éduqués comme ça, on n'a pas notre logiciel de pensée qui est formaté comme ça. Et à la fois, moi, plus je mène ces interviews, plus je mène ces voyages et plus je me rends compte que notre muscle utopiste, il est finalement toujours présent et assez facilement activable. Et donc, on va faire cet exercice, si tu le veux bien, ensemble d'être en 2030 glorieuse. Donc on va parler au présent depuis les 2030 glorieuses dans une société où on aurait réussi. Tout n'est pas réglé évidemment, les 2030 glorieuses c'est peut-être dans ta tête 2032, 2036, 2038, peut-être même plus tard. Tant pis, peu importe, l'idée c'est juste de se dire bah voilà, les boussoles sont alignées dans la direction du vivant, dans la direction comme tu le disais de la paix et de l'humilité pour se remettre au service de ce vivant là. On a plein de choses à régler mais on est dans le bon sens, on va dans le bon sens, on va avec les bonnes énergies. Racontons ça, d'autant que Cities s'est bien développé en 2030 glorieuse et je vais raconter ça. Donc faisons cet exercice ensemble pour les personnes qui sont malheureusement restées elles coincées en 2023 et qui ont leur casque sur leurs oreilles et qui écoutent cette interview. En 2030 glorieuse, Cities s'est passé à, on a fait le calcul entre temps, hein, 20, 30, 40, 50 000 véhicules répartis dans des centaines et des centaines de villes de France. Aujourd'hui, presque tous les Français ont déjà entendu parler de Cities. Hein. On a 20 000 voitures, nous, en région Rhône-Alpes-Auvergne, et on en a 80 000 dans toute la France. Donc, ça fait qu'on a 20 fois plus d'utilisateurs. Donc 80 000, ça fait 1,6 million personnes qui ont lâché leur voiture pour passer à l'autopartage. Donc on représente une part importante du nombre de voitures, puisque 1,6 million des personnes, elles vont avoir des familles, elles vont être des entreprises et donc partager des voitures avec d'autres. Donc voilà. Et à mon avis, en plus, voilà, on est déjà près de 2 millions d'utilisateurs de l'autopartage et ça change complètement la physionomie de nos villes. On a moins besoin de places de parking. On voit des villes dans lesquelles circulent beaucoup plus les gens à vélo et avec différents types d'engins à une roue, deux roues, trois roues, quatre roues, mais légers. D'ailleurs, dans nos voitures, beaucoup sont devenues beaucoup plus petites, nous circulons avec des voitures de une à deux places pour 60% de nos déplacements. Et pour le reste, eh bien, il va y avoir différents types de voitures qui sont bien sûr à plus de 50% électriques. D'autres ont continué à produire moins de CO2, soit c'est des hybrides, soit c'est encore quelques voitures au gaz naturel qui a pris le pas sur l'essence. Le diesel, bien sûr, a disparu. Donc voilà, on est dans un monde beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Les cyclistes qui passent et les gens motorisés électriques ou musculaires font beaucoup moins de bruit que ne faisaient les voitures. On peut ouvrir les fenêtres et travailler la fenêtre ouverte s'il ne fait pas froid. Voilà. Mais nous sommes au début de l'automne, il fait encore bon, donc on peut ouvrir et on voit les arbres et on entend les oiseaux, ce que nous avions oublié d'entendre pendant des années lorsque nos villes étaient remplies de voitures qui pétaradaient et qui fumaient et qui nous intoxiquaient à petit feu. Ouais, tu dis quelque chose qui est très juste, hein, Martin. Tu anticipes mes questions, Martin, mais tu dis des choses qui sont très justes, parce qu'en fait, là, de manière mathématique, tu as fait le calcul très rapidement, tu es meilleur en maths que moi, et donc c'est des dizaines de milliers de voitures qui sont partagées, donc en fait, des millions d'utilisateurs directs, mais encore plus d'utilisateurs indirects, et donc la pollution atmosphérique, la pollution sonore, la pollution forcément des émissions de gaz à effet de serre, tout ça, c'est un impact direct dans nos vies, ça se sent tout de suite, mais aussi, du coup, visuel, et aussi en termes d'organisation, presque d'urbanisme. De poser cette question-là, j'imagine que Cities en 2030 Glorieuse, vous continuez à louer des voitures, tu le disais, sans doute des voitures une place ou deux places, hein. Maintenant ça fait partie de vos flottes. J'imagine aussi que vous avez sauté le pas, vous louez sans doute des vélos cargo, dis-moi un peu ce que vous louez, des remorques pour que les gens partent à vélo en vacances, des petites camionnettes pour le déménagement ou aller à la déchetterie. J'imagine que vous avez des flottes qui sont beaucoup beaucoup plus, j'allais dire bariolées, quoi. C'est un peu plus fourni, non? Ouais. Ça a été quelque chose qu'on a fait dès les années 2020, c'est de multiplier le type de véhicule pour qu'il y ait un véhicule pour chaque usage. Et donc, finalement, comme la plupart des usages sont des petits trajets, on a de plus en plus de petits véhicules. Mais quand on fait des gros trajets, on peut aussi prendre chez Cities des petits vélos pliants, des trottinettes qu'on met dans le coffre de sa voiture pour que lorsqu'on va arriver dans une autre ville un peu loin, eh bien, on puisse poser sa voiture dans un parking relais et continuer le dernier kilomètre ou les derniers kilomètres avec ce petit vélo pliant ou avec cette trottinette ou cette roue électrique. Voilà, donc on va louer tous les accessoires qui vont avec la voiture. Donc, au lieu de se limiter au siège bébé, aux barres de toit pour porter ses skis ou autre chose, ou des porte-vélos, eh bien, on va donner des petits instruments qui permettent aux gens de faire les derniers mètres. Voilà, donc ça va changer complètement le rapport au déplacement. Et on ne rentre plus dans les villes, d'ailleurs, dans la plupart des temps. Seuls les artisans rentrent dans les villes ou les gens chargés de choses lourdes, mais grâce à la mobilité urbaine, à la logistique urbaine, eh bien, on n'a plus besoin d'aller jusque chez soi. On se fait livrer par des vélos triporteurs qui maintenant sont devenus légion et qui nous évitent de nous faire des déplacements en voiture pour aller chercher des choses lourdes. Voilà, donc vraiment la ville s'est complètement réorganisée. D'ailleurs, les trottoirs se sont élargis. On a rajouté des pistes cyclables, ça va sans dire, et aussi on a rajouté de la vie sur les terrasses, des espaces verts, des arbres, et on a une ville qui ressemble beaucoup plus à ce que certains hypercentres des années 2020 commençaient à connaître et redécouvraient avec une convivialité retrouvée et du lien qui est beaucoup plus facile à se faire, parce que lorsqu'on est à pied ou à vélo, on peut s'arrêter, on peut rencontrer les gens, on peut prendre son temps, puisque finalement, on n'est plus en train de chercher sa place et focalisé sur la vitesse à laquelle on traverse la ville. Là, on y va différemment. Et ça, c'est une grande qualité de vie qui s'est améliorée grâce à ça, sans parler des impacts sur notre santé et de la réduction du nombre de morts liées à la pollution urbaine. Martin, on parle beaucoup depuis le début de notre échange de la ville. Est-ce que Cities a fait le travail aussi d'aller dans la France des campagnes, même si en 2030 glorieuse, on a plus de trains, on a plus de bus, on a un réseau forcément de transport en commun qui est beaucoup plus développé. Et à la fois, on le sait, la voiture en périphérie et dans la France du vide, comme on le dit parfois, elle existe, elle a encore sa place. Comment vous y êtes fait une place justement dans cette France-là qui souvent se sent un peu agressée par le message qui tient à dire « bon ben voilà, la voiture c'est mauvais et donc il faut l'arrêter le plus possible ». Eh bien, nous avons bien sûr mis des voitures en partage dans ces villes. Nous avons aussi mis d'autres types de véhicules plus proches des vélos, des triporteurs électriques, mais nous avons aussi développé avec le réseau des Biocoop, qui sont comme nous des licornes, qui sont devenues maintenant très grosses, tout un réseau de livreurs qui eux, avec des véhicules électriques, livrent, font des épiceries finalement ambulantes. Il y en avait déjà quelques-unes dans les années 20, mais c'était pas un réseau. Or là, c'est tout un maillage territorial qui s'est développé de la même façon que Cities s'est développé, c'est-à-dire que on a commencé par une coopérative à un endroit qui dit eh ben tiens je vais aller livrer tous les villages où les gens habitent, beaucoup télétravaillent dans ces villages, donc restent chez eux, se déplacent moins et sont livrés. Mais livré de façon rationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 38 000 livreurs et vous ne recevez pas 4 livraisons dans la même journée, mais vous avez une épicerie qui s'est beaucoup plus élargie et qui va aussi livrer le courrier, les objets qu'on aura commandés, mais de façon plus rationnelle que ce qui s'est passé dans les premières années des livraisons. Amazon est mort. Mais d'autres l'ont remplacé, qui sont beaucoup plus locaux et qui vont justement travailler pour optimiser le minimum de déplacement dans la partie logistique et le minimum d'impact sur la nature. Donc, ce qui fait que la ville où j'habite, moi, le village où j'habite, qui s'appelle Les Déserts, dans les Bauges, eh bien, nous sommes ravitaillés, livrés plusieurs fois par semaine. On choisit le jour, l'heure et la tournée et on reçoit à peu près tout. Alors, c'est sympa parce que finalement, on se groupe pour passer les commandes. Et quand il y a des déplacements, on se groupe aussi pour aller chercher les choses. Mais la plupart viennent jusqu'à nous et on n'est pas isolé. Donc, on n'est pas dépendant de la voiture. Et même s'il y a moins de voitures dans notre hameau, ces voitures sont partagées de toutes les façons. Et c'est là que ça a été le plus partagé, parce que déjà, ces gens-là se sont rendus compte plus vite que les autres que la voiture était en train de les asphyxier, non pas physiquement par les gaz à échappement, mais asphyxier par le prix des déplacements pour rejoindre les grandes villes, puisque ce n'est pas 1 ou 2 kilomètres qu'on a à faire, mais c'est 15, 20, 50, 80 kilomètres pour aller dans les grandes villes. Et finalement, on a tout de suite compris, on a très vite compris que l'autopartage et une façon de repenser nos approvisionnements étaient indispensables à notre vie. Donc voilà, ce beau partenariat entre les licornes que sont Cities et Biocoop, et qui est devenu beaucoup plus large qu'une épicerie, est advenu. La question qui fâche maintenant, Martin, toi, tu fais quoi en 2030 glorieuse ? Alors moi, en 2030 glorieuse, j'ai plus de 75 ans. Donc, je m'occupe d'autres choses, de mes abeilles. Hein, j'ai, les 10 Russes que j'ai commencé à avoir en 2020, eh bien maintenant j'en ai une trentaine et puis je m'occupe d'elles. Je m'occupe aussi de mes petits-enfants. Je suis engagé dans différentes associations culturelles dans mon hameau. Et puis, je me prépare à mon grand passage en prenant, en vivant de plus en plus ce que je peux vivre, en vivant intensément le temps présent dans une nature qui est fabuleuse. Et avec tous les animaux qui vivent dans cette belle nature, voilà. Et puis je suis engagé dans des associations diverses et variées, mais essentiellement qui créent du lien. Voilà. Ce que j'aime, moi, c'est rencontrer les gens et partager avec eux, et puis donner des coups de main aussi, comme je peux. Écouter, partager, s'enrichir les uns des autres. Si on revient, Martin, merci pour ta réponse en 2023 et qu'on retrouve toutes les personnes qui nous ont écoutées pendant cet échange qui était passionnant et qu'elles nous disent « mais là, moi, j'ai envie de continuer dans le sens de ces 2030 glorieuses que vous avez dessinées le temps d'une conversation. Par quoi elles doivent continuer ? Quelle est la chose que tu leur recommandes ? L'action, le levier, la branche à saisir pour les faire advenir encore plus rapidement ces 2030 glorieuses ? Ne jamais repousser le premier pas et ne pas être trop ambitieux pour soi, tout en ayant ce cap lointain et en se disant « plus j'attends pour faire un pas, puis le deuxième, puis le troisième, quand je serai mûr, eh bien, plus j'attends, plus finalement je retarde ces 30 glorieuses. Donc, commencez tout de suite. Quelle est la petite chose que je peux changer ? Je citerai pour ça ma femme, lorsque j'ai lâché notre dernière voiture, elle m'en a beaucoup voulu. Et au début, elle faisait un trajet par jour à vélo. Maintenant, elle fait tous ses trajets à vélo quelques années après, en 2023. Elle s'y est bien habituée, mais elle n'y est pas allée d'un seul coup. Elle a loué des voitures, elle a pris le bus, elle a fait du covoiturage, et puis finalement, le vélo l'a emporté sur tout. Elle s'est bien équipée, mais elle l'a fait pas à pas. Donc finalement, ne soyons pas trop ambitieux en voulant tout de suite tout changer, mais changeons chaque jour quelque chose. Chaque jour, chaque mois, chaque année. Et vous allez voir, ça va très vite. Merci Martin. De rien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !